contre les exercices militaires américano-sud-coréens Ulti Freedom Guardian visant la première frappe nucléaire anti-nord-coréenne, l'Association britannique d'études de la politique de Sungun, le Cercle britannique d'études des idées du Jutsil, l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et le Comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands impacts de 2017 ont lancé une déclaration conjointe, alors que l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée et l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée ont publié respectivement une déclaration.